À l'occasion du 22e anniversaire du décès du président Kim Il-sung, les représentants diplomatiques et des institutions internationales, les attachés militaires en Corée, la délégation de la Confédération travailliste du Vietnam, la délégation des cadres de l'Association générale des Coréens restant au Japon et autres personnalités étrangères et compatriotes coréens d'outre-mer ont visité le 8 juillet le Palais du Soleil de Kumsusan pour formuler leur hommage sublime au président Kim Il-sung et au général Kim Jong-il. Le même jour, le représentant et les membres de la filiale à Pyongyang du Front démocratique national anti-impérialiste ont également visité le Palais du Soleil de Kumsusan pour formuler leur hommage au grand leader.